Merci beaucoup d'abord pour cette invitation. Ça va pas être facile, évidemment, d'aborder le fond de l'affaire, le fond du problème qu'il y avait derrière ces polémiques autour de l'inauguration des rendez-vous de l'histoire de Blois cette année par Marcel Gaucher. Ça va pas être facile d'abord parce qu'on est aux études et que Marcel Gaucher a fait une grosse partie de sa carrière ici. Il exerce toujours une influence considérable, même s'il a eu aussi une autre carrière parallèle, comme vous le savez, antérieure et parallèle aux éditions Gallimard. Surtout, c'est difficile d'aborder le fond du problème, tout simplement, parce que ça va être à sens unique. Ce serait mieux quand même, ce serait plus confortable d'évoquer l'attaque contre les positions politiques abondamment prises par Marcel Gaucher sur la place publique, dont nous sommes rendus coupables, Laurence, moi et quelques autres, s'il y avait évidemment des gens qui avaient bien voulu venir défendre le parti opposé, défendre ces prises de position par Marcel Gaucher. Et il y a eu des invitations qui ont été rejetées, ou plutôt on nous a dit qu'on exigeait d'abord, pour accepter de venir discuter avec nous, que soient présentées des excuses. Voilà, ce qui marque d'ailleurs un certain retrait, puisque Marcel Gaucher lui-même, lui avait demandé nos démissions, hein, la démission des 8 signataires de la tribune parue dans Le Monde le 10 octobre, et peut-être aussi des 230 signataires, dont autour de 150 enseignants-chercheurs, de la déclaration qui disait contester, justement, s'opposer à cette invitation et la regretter. Au cours justement d'un débat qui a eu lieu à Blois, plus un numéro d'Histrion qu'un débat, parce que c'était avec Elisabeth Lévy, et aucun d'entre nous n'avait été convié. On peut d'ailleurs noter, pour commencer, alors qu'il y a eu une prolifération de textes sur toute cette affaire, vous n'avez sans doute pas pu l'ignorer, depuis le mois d'août, depuis qu'elle a été déclenchée par un appel au boycott d'Edouard Louis et de Geoffroy Léganerie, il y a eu une prolifération de textes, d'interventions de toutes sortes, de prise de position dans les médias. À partir du mois d'octobre, s'est ajouté à ces deux, d'abord appel, puis ensuite déclaration collective d'Edouard Louis et de Geoffroy Laganerie, nos initiatives à nous, et c'est essentiellement ces initiatives que nous parlerons évidemment, une déclaration, pétition qui a circulé et puis qui a fini par être publiée sur le site de Libération, signée donc par 229 enseignants-chercheurs pour la plupart. D'autre part, en même temps publié dans Le Monde, cette fois-ci un texte, en quelque sorte d'explication, signé par 8 personnes, qui s'intitulait au départ « Face à la pensée réactionnaire », c'était comme ça que nous l'avions intitulé, et que Le Monde avait rebaptisé « Le coup de force de Marcel Gaucher » en reprenant une expression de notre texte, tirée de son contexte, puisqu'elle se référait en fait aux stratégies rhétoriques que nous disions sophistiques de sa part, alors que ça se présentait, comme titre du texte, comme finalement la dénonciation d'un coup de force dans cette inauguration elle-même, ce qui n'était pas le cas. Et puis il y a eu ensuite, en même temps toujours, une série de textes qui sont parus sur une édition Mediapart que nous avions ouverte, des textes beaucoup plus longs, notamment par Ludivine Bantini, qui s'est penché de très près sur pas loin, je crois, d'une centaine d'interventions de Marcel Gaucher dans les médias depuis une dizaine d'années, qui ont donné une analyse générale. Un très long texte aussi de Guillaume Mazol, l'un des autres signataires, qui lui faisait un bilan sur le développement de la controverse dans la presse, depuis le début du mois d'août, donc, et depuis l'initiative de Louis et Laganerie. Alors, malgré cette prolifération, c'est tout à fait intéressant de voir qu'à aucun moment, aucun média n'a sollicité aucun d'entre nous pour s'expliquer, éventuellement, pour être confronté à Marcel Gaucher ou aux gens, ils ont été assez nombreux, qui, plus que défendre son point de vue, d'ailleurs, s'attaquait aux nôtres. Nous accusait de toute une série de mots. Le journaliste même du Monde qui nous a suivi à Blois, interrogé sur cette question, pourquoi est-ce qu'à aucun moment on a pu être confronté à lui, échanger d'une manière ou d'une autre, même sur un mode très agonistique, Pourquoi est-ce que le 10 octobre, quand paraît notre tribune dans Le Monde, paraît en même temps sur le site du Monde une vidéo de 20 minutes d'entretien de Marcel Gauchet seul avec le journaliste du Monde? Et pourquoi est-ce que personne ne s'est vu proposer parmi nous, et nous étions nombreux, de discuter avec lui, de lui répondre? On nous a clairement dit que en fait, ça lui a été proposé, mais qu'il s'y est absolument opposé. Ça ne lui a pas été. Comment dire? Il n'y a pas eu de fin de nous recevoir de la part du Monde à cette opposition, et les choses se sont développées de cette façon. Alors, donc ça va être évident de discuter sur le fond, et puis cependant, il ne s'agit pas du tout de présupposer que chacun dans la salle va se sentir solidaire avec l'initiative qui a été la nôtre, que ce soit sur le fond du problème, ou que ce soit sur sa forme, sur son opportunité stratégique et politique, qui a fait l'objet de bien des tensions, de bien des discussions entre nous, entre personnes qui, par ailleurs, sur le fond politique de la question et sur les questions intellectuelles qui sont derrière, étaient d'accord. Il y a quand même certaines pertinences, me semble-t-il, à intervenir dans ce séminaire qui pose la question de la critique, cette séance consacrée à la critique, ne serait-ce que parce que Marcel Gauchet lui-même, il suffit de le lire là-dessus, a un discours très clair sur la question. Pour lui, le rôle de l'intellectuel n'est pas d'être critique, hein, il ne cache pas d'ailleurs même son aversion pour ce vocabulaire de la critique, de même qu'il ne cache pas une certaine aversion pour la sociologie, hein, qui est connexe et corrélative. Marcel Gauchet est quelqu'un qui annonce depuis longtemps, par exemple dans le livre d'entretien qu'il a publié en collaboration avec Sylvain Piron, chez Plomb, semble-t-il, qui annonce que le rôle de l'intellectuel aujourd'hui n'est plus d'être critique. Ça, il le dit très explicitement, et je ne crois pas que c'est trahir sa pensée que de le rappeler. Autrement dit, ça n'est pas de mettre à jour les effets de domination qui sont induits par les politiques, ça n'est pas d'aller questionner les normes, mettre en cause leur bien fondé, exhiber leurs effets, justement, en termes de domination. L'intellectuel légitime est un intellectuel de gouvernement, hein, pour reprendre une terminologie qui a été beaucoup travaillée, enfin, une catégorie qui a été beaucoup travaillée par Gérard Noiriel, dans un livre qui s'appelait Les fils maudits de la République, qui est paru en 2005 et qui est reparu depuis, dans lequel d'ailleurs Noiriel fait abondamment référence aux théories de Gauchet à cet égard et à sa position, hein, dans le champ intellectuel. Son point de vue, donc, hein, sur la critique, c'est que l'objet de l'intellectuel aujourd'hui, c'est en quelque sorte le conseil. Hein. Il ne s'en cache pas du tout là, ce n'est pas du tout une analyse, une exégèse que je fais de son discours, c'est des choses qu'il a écrites noir sur blanc, maintes fois. Le rôle de l'intellectuel, c'est de conseiller les décideurs, hein, dans une vision qui, en définitive, est quasi rôliste, hein, du social, au sens où le fait que des intérêts puissent diverger dans une société est tout à fait secondaire. C'est un non-faire, en définitive, qui n'a aucune place. Il y a, en définitive, un intérêt unique, hein, général, étant entendu que le monde ne peut être que tel qu'il est et fonctionner tel qu'il fonctionne en gros, et vous identifiez ici immédiatement cette grande matrice aujourd'hui du champ, d'une bonne partie du champ intellectuel en tout cas, dominant du public et la parole, c'est l'œuvre de François Furet, hein, les derniers mots en particulier de son livre L'avenir de l'illusion, hein, qui reprenait un titre de Freud, sur le communisme, et qui disait « La récréation est terminée, nous sommes condamnés à vivre dans le monde dans lequel nous vivons », ce qui emporte énormément de choses, et c'est un axiome, en quelque sorte, qui sous-tend aujourd'hui à peu près toute prise de position audible à laquelle une place peut être donnée, qui ne soit pas marginale, dans le champ, en tout cas, intellectuel médiatique, en tout cas dans le champ de l'expression des intellectuels ou des intellectuels, sur la place publique. Et voilà, c'est, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup parlé en mon nom, hein, parce que je ne vais pas engager trop de gens aujourd'hui qui ne sont pas là. C'était une des raisons principales de cette initiative très controversée. On va en discuter. Ce qui m'intéresse le plus, sans doute, en l'absence de contradicteurs une fois de plus, donc, et Noiriel encore disait hein, qu'un réseau, ça sert à créer d'abord du silence. Et il a parfaitement raison, on l'a très bien vu tout au long de cette affaire. Un réseau, ça sert encore à créer du silence. Et il peut y avoir une polémique qui fait vendre du papier en août, hein, comme ça a été le cas au début, qui mobilise les plus grands éditorialistes, tout le monde, la plupart des journaux, tout en réduisant au silence les gens contre qui, au quasi-silence intégral, les gens contre qui on polémique. Alors dans cette affaire, il faut distinguer clairement parmi ceux qui s'opposaient à l'inauguration de Blois par Marcel Gaucher, d'une part Édouard Louis et La Gannerie, et puis d'autre part un groupe nettement plus large d'historiens essentiellement et d'universitaires qui a pris des positions assez différentes, même si Louis et La Gannerie, je dirais, en quelque sorte, ont tiré les premiers, et même si ils ont été objectivement à l'initiative, ils ont donné la première impulsion, en tout cas, d'un mouvement qui s'est largement éloigné d'eux par la suite, même si les médias ont tenu mordicus absolument à les confondre, tout en les travestissant dans leur ensemble, puisqu'ils ont crié dès le départ, les médias et tous les défenseurs de Marcel Gaucher, à la censure. Alors qu'à aucun moment, évidemment, ni de la part de Louis et La Gannerie, ni de la nôtre, il n'a été question de censure. Louis et La Gannerie ont appelé au boycott. C'est extrêmement différent. En expliquant que le dispositif de Blois était un dispositif où la critique avait perdu d'avance, en mettant en avant l'idée que c'était le comble, en définitive, que d'inviter Marcel Gaucher à inaugurer, à placer sous l'égide de sa pensée donc, ces 4 jours de festival consacrés à la thématique des rebelles, que dans ce type de dispositif ne pouvait se développer qu'un discours consensuel et à leur sens opposé à tout questionnement vif et voué à l'émancipation. Et donc, ils disaient, retirons-nous, créons un lieu ailleurs. Effectivement, c'est pas de la censure, même si nous ne partagions pas, leur choix, et la façon, nous n'étions pas d'accord, en tout cas, la façon dont ils ont procédé, et nous avons d'ailleurs tous refusé de signer le texte de Louis et La Gannerie. Mais, voilà, ce qui n'est pas intéressant de discuter, si chemin faisant on parlera du fond aussi, c'est la chronologie du mouvement. La façon dont les choses ont pris forme. Donc le 30 juillet, c'est l'appel au boycott de La Gannerie et Louis, donc Édouard Louis, jeune sociologue, étudiant en sociologie plus exactement, qui a publié un livre dont le succès a été faramineux, assez inattendu me semble-t-il, au Seuil, au printemps dernier. Qui s'appelle En finir avec Eddie Bellegueule, pour en finir avec Eddie Bellegueule, et qui raconte sa propre histoire, de prolétaire dans la Somme, si je ne me trompe pas, ou dans le Nord-Pas-de-Calais, je ne sais plus exactement, en milieu rural, l'histoire de son émancipation, en définitive, largement liée à son homosexualité, apparemment. Et c'est un livre que j'avais lu au printemps. Avec intérêt, mais dont j'étais très étonné du succès, qui décrit le quotidien, son quotidien à lui, semble-t-il, chez les Bellegueule, donc dans sa famille, d'une manière assez impressionnante. Donc, je pensais que ce qu'il écrivait, en fait, datait des années 50, pas des années 2000. C'est Édouard Louis, un proche, comme La Gannerie, de Didier Ribon, qui enseigne à l'université d'Amiens. Et les partisans de Marcel Gaucher n'ont pas manqué, très souvent, de dénoncer derrière leur initiative un manipulateur, puisqu'il n'était pas assez grand, ces deux-là, sans doute, pour prendre leur décision tout seul. Il ne fait pas de doute qu'Héribon était tout à fait favorable à leur initiative. Hein. Il a été d'ailleurs le premier à se joindre à cet appel au boycott. On sait très bien, de toute façon, qu'Héribon a écrit en 2007 un livre qui s'appelle « D'une révolution conservatrice », dans lequel, après Lindenberg, après Loiriel, c'était 2005, avant Serge Audier, il identifiait la figure de Marcel Gaucher comme absolument centrale dans la révolution conservatrice qui est en cours depuis une quarantaine d'années en France et surtout depuis une date récente. Révolution centrale, surtout depuis une date récente. Alors, bon, si on reprend le fil, le 30 juillet, Louis Lagardy déclare dans Libération qu'ils n'iront pas à Blois, ils étaient invités. Parce que la présence de Marcel Gaucher à l'inauguration les scandalise et qu'ils ne veulent pas, veulent pas être partie prenante de ce dispositif. Et puis, quelques jours plus tard, le 6 août, un appel plus long paraît dans Libération, signé cette fois-ci par un collectif et plus seulement par eux deux, avec argumentaire en gros, le texte que je vous lis. Il va de soi que nous ne protestons pas contre Marcel Gaucher, qui ne nous intéresse pas, nous polémiquons contre les rendez-vous de l'histoire et la scène qu'ils installent. Il s'agit d'une intervention sur les conditions de la vie intellectuelle, disent-ils. Et ils poursuivent en disant « Nous ne voulons pas reconnaître les discours que Marcel Gaucher et les cénacles qui tournent autour de lui relaient comme des discours acceptables et sujets à on ne sait quel débat. Nous ne voulons pas qu'ils soient présentés comme tolérables, les idées selon lesquelles les femmes seraient naturellement portées vers la grossesse, selon lesquelles la société souffrirait d'une marginalisation de la figure du père et de l'avènement d'un matriarcat psychique, entre guillemets, car c'est une citation de Marcel Gaucher, effectivement, que le mariage pour tous représenterait un dispositif pervers. C'est une citation à l'indirect libre de Marcel Gaucher, lui-même citant à l'indirect libre les gens de la manif pour tous, car c'est une des techniques de Marcel Gaucher que de parler à l'indirect libre sur des questions trop clivantes. Il ne tient pas lui-même de discours explicite, il relaie préférentiellement tel ou tel discours, sans jamais entièrement se l'approprier, mais en se laissant investir de cette logique pleinement, et puis par ailleurs, ça renvoie à sa politique éditoriale. La lutte antiraciste pourrait comporter des risques, hein, là aussi on reconnaît une politique éditoriale essentiellement. Les revendications LGBT pourraient mener à un anéantissement du social. Et il termine en disant, pour ne citer que quelques-uns des pontifs ultra-réactionnaires que Marcel Gaucher fait circuler à travers ses écrits ou dans sa revue Le Débat, hein, ce qui est une habile manière de déjouer effectivement la stratégie de Marcel Gaucher qui consiste sur un certain nombre de thèmes extrêmement clivants qui pourraient nuire à lui, qui consiste en fait à faire parler les autres, soit par sa propre bouche aussi indirectement, comme je le disais, soit en faisant surtout des choix éditoriaux. Et justement, l'une des raisons de la mobilisation de l'été dernier était liée à la publication au mois de mai, comme on sait, d'un numéro particulièrement drôlatique et horrifique de la revue Le Débat, entièrement à charge, plus ou moins selon les contributions, mais entièrement à charge de manière plus ou moins outrancière, contre le mariage homosexuel. L'homoparentalité. Contre l'homoparentalité. Enfin, sachant que, par ailleurs, depuis le temps du contrat d'union civile et du Pax, aussi bien dans Esprit que dans Le Débat, il y a une ligne qui s'est très clairement opposée à cette évolution de société. Et il y a eu deux types de raisonnements, deux références intellectuelles, disons, qui ont toujours été entre les lignes parmi les intervenants, y compris chez ceux ou celles qui ont radicalement changé d'avis depuis. C'était d'un côté Pierre Lejean, ce psychanalyste qui est aussi médiéviste, historien du droit médiéval. Pierre Lejean, donc d'un côté, penseur de l'autorité du père, mystique, un mystique de la souveraineté en quelque sorte, et puis Marcel Gaucher. Alors, pas mal d'entre nous sont contactés par Édouard Louis et La Galerie pour signer, juste avant sa publication début août, cet appel, disons, mieux motivé, plus long, à boycotter toujours Blois et non pas, absolument pas, à empêcher Marcel Gaucher de parler. Les seuls qui acceptent de signer cet appel, en fait, sont des personnalités du spectacle, hein. Des gens comme André Téchiné, chanteurs comme Dominique A, une chanteuse comme Gilles Kaplan, quelques écrivains comme Arnaud Catherine ou Chloé Delhomme, un cinéaste comme Sébastien Lifshitz, Béatrice Preciado, le seul historien, c'est ça qui nous a intéressés, nous, le seul historien qui ose signer ce texte est un Américain qui s'appelle Todd Shepard, qui est un historien très en vue, qui fait des travaux particulièrement intéressants sur le rapport de la France à l'Algérie, à la guerre d'Algérie, dans une optique aussi qui met en avant les questions du genre. C'est Todd Shepard, donc le seul qui accepte de signer. Et ce qui nous frappe tous, il me semble, et c'est à ce moment-là en fait que nous prenons contact les uns avec les autres, parmi ceux qui ont fait circuler la déclaration rédigée, la tribune parue dans Le Monde, ce qui nous frappe, c'est la violence extrême, radicale, des réactions médiatiques à la prise de position d'Edouard Louis donc, et de Laganerie, qui sont accusés de stalinisme, bien sûr, de censure. Ce qui est frappant aussi, tout de suite, me semble-t-il, c'est à quel point il y a deux types d'intervenants qui montent au créneau très rapidement. Les uns ont pour point commun d'être des auteurs Gallimard. Ça, c'est quelque chose de très très frappant. Dès le surlendemain de la publication du premier texte, c'est Pierre Jouve ou Pierre Asselineau qui prennent position, enfin l'un après l'autre. Laurent Bouvet, bien sûr, publié chez Gallimard d'ailleurs par Martial Gauchet. Et puis, par ailleurs, toute une presse ou un certain type d'intervenant dans une certaine presse, Slate en particulier, Le Causeur surtout, se mobilise en rappelant dans un de ses chapeaux, dans un article de ses chapeaux, d'ailleurs, que Marcel Gauchet fait partie de sa Sainte Trilogie. Je cite Le Causeur, c'est pas la Sainte Trinité, c'est la Sainte Trilogie avec Philippe Bouvet et Alain Finkielkraut. Alors, au film du mois d'août, du causeur. Alors, il y a un petit collectif, finalement, qui se constitue de manière spontanée au fil du mois d'août, sur le thème, qui est d'abord, d'ailleurs, développé par Laurence Decoq, ici présente, et quelques-unes de ses camarades d'Aggiornamento, avec un texte qui paraît sur Mediapart. Non pas vraiment pour soutenir Louis et Laganerie, puisque parmi les auteurs, il y a des divisions, je pense qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur leur compte, mais en tout cas tout le monde est d'accord pour s'effrayer un petit peu des réactions sur les listes internet en particulier chez les historiens, quasiment unanime pour se scandaliser de cette prise de position, de cette opposition, réaction absolument sans nuance, monocolore, vraiment à sens unique, texte donc qui paraît dans Mediapart sur qui est en fait plus largement une critique de la façon dont les choses se passent à Blois. Sur la façon dont, en définitive, c'est le champ éditorial qui domine à Blois. Blois est d'abord un marché du livre. Les invitations sont décidées par un groupe d'éditeurs historiens qui, en définitive, décide de ce qui est intéressant en histoire et de ce qui ne l'est pas, de ce qui doit être exposé et de ce qui ne l'est pas. Ça nous renvoie tout de suite d'ailleurs aux réactions, à de nombreuses réactions, à de nombreuses réponses, de nombreuses répliques qui sont faites lorsqu'on propose de publier un texte, sans savoir encore exactement quelle forme, pour à notre tour et selon d'autres modalités, regretter ce choix pour l'inauguration de Blois. Une des réponses qui nous est faite couramment, c'est « mais Blois, de toute façon, c'est ça ». Ça a toujours été ça. Vous êtes des grands naïfs. Vous ne pouvez pas ne pas laisser Blois aux mains de ce milieu-là et de ces idées-là. Et ça nous renvoie tout de suite, effectivement, à la naissance de Blois. Parce que quand Blois commence en 98, il y a un long texte qui paraît de protestation qui s'appelle « Pourquoi nous n'irons pas à Blois ?» qui est signée par toute une série d'historiens, vous en étiez peut-être, je ne sais pas. Non, parce qu'on ne m'a pas sollicité. Ouais. Moi, je suis rarement sollicité. Ça, j'aurais signé. Là, c'était la... 2014, c'est la 16e édition des Rendez-vous de l'Histoire de Blois, qui sont avérés être un succès extraordinaire. L'initiative de faire ce festival a été lancée par Jacques Lang, donc à la fin des années 90, un collectif d'historiens a fait paraître une tribune qui avait fait du bruit dans le milieu qui s'appelait « Pourquoi ne l'irons pas à Blois ?» qui contestait déjà en fait le dispositif, ce dont Louis et Laganerie s'offusquait. Et par les signataires, il y avait Gérard Noiriel, qui lui, alors, n'a jamais dévié justement de cette position, qui nous l'a rappelé quand on a été en contact avec lui. C'est amusant de voir qu'il y, il y avait d'autres signataires de cette tribune qui sont devenus, au contraire, des piliers absolus de droit, qui réussissent l'exploit de parler 7 ou 8 conférences pendant les 3 jours que Dieu voit aujourd'hui. Les positions ont beaucoup évolué, mais enfin, ce problème a toujours été posé. Et le premier texte qui émane d'historien revient là-dessus, en fait, et développe finalement un argumentaire autour de la nécessité de faire vivre la critique. Un texte donc favorable, en fait, à la position de Louis Lagandry, tout en disant, nous, bien sûr, nous irons à Blois. Pour ma part, j'ai été sollicité par Lagandry, que je connais un peu, que j'avais croisé dans un colloque il y a quelques années, pour signer le texte de Libération, et j'avais dit, autant j'ai toute ma sympathie, effectivement, sur le fond, autant je ne suis pas d'accord pour boycotter Blois. Il y a 42 000 visiteurs au Festival de Blois chaque année. Il y a une centaine d'intervenants, de collègues, d'enseignants du supérieur et du secondaire, des milliers de collègues du secondaire qui viennent. Je ne vois pas comment on peut déserter ce lieu, comment on peut défendre une position qui consiste à boycotter ce lieu. On peut le faire, ce que j'expliquais à Lagandry, éventuellement en tant que sociologue, mais en tant que dire qu'il faut une autre scène, en tant qu'historien, à mon sens, c'est très difficile. Alors, rapidement, ce à quoi je voudrais m'intéresser maintenant, c'est à la coalescence de ce petit groupe et à la façon dont il a décidé d'agir, et puis au résultat. Sachant qu'évidemment, on est absolument preneur de toutes les critiques, même les plus dures, sur le fond, bien sûr, même si on a beaucoup réfléchi à la légitimité intellectuelle de notre opposition à cette inauguration, d'arguments qui nous démontreront que Marcel Cauchy n'est absolument pas ce qu'on croit, absolument pas ce qu'on crut d'autres avant nous d'ailleurs, mais surtout sur la stratégie, puisque beaucoup de gens nous ont dit, alors qu'ils étaient d'accord avec nous par ailleurs, que c'était une très mauvaise manière de procéder, qu'il ne fallait pas faire comme ça, que c'était éventuellement contre-productif. Ce qui a, me semble-t-il, motivé de façon assez intense pas mal de gens, c'est 3 choses, c'est un état général de la sphère publique, de la sphère des discours publics, une conjoncture politique bien précise, qui est celle maintenant des mois et des années valses, d'un gouvernement donc dirigé par un Premier ministre auquel, je rappelle, Nicolas Sarkozy avait proposé un poste de ministre en 2007, à l'été 2007, avec un secrétaire général de l'Élysée qui est un ancien ministre, secrétaire général de l'Élysée aujourd'hui, qui est un ancien ministre de Nicolas Sarkozy. C'était l'époque aussi où Manuel Valls allait à Londres pour dire que son gouvernement était pro-business. Donc il y a un certain état, une certaine conjoncture politique. L'état de la sphère publique, je vais parler un tout petit peu, c'est ce que Éric Fassin a appelé récemment dans une tribune un air de famille. Il y a un air de famille entre beaucoup d'intervenants à succès, des thèmes qui reviennent tout le temps, entre des discours qui sont développés par toute une série de personnages publics, alors sur différents modes, avec des accents différents sur tel ou tel point, qui s'adressent à des milieux différents. Mais cette ère de famille est liée évidemment à des points communs, d'exploration de la fin de l'autorité en général, de la place excessive qui détruirait toute politique faite aux individus, aux droits des individus, aux droits de l'homme éventuellement confondus avec les droits subjectifs, qui sont en croissance débridée. Déploration de la féminisation générale des valeurs au sein de la société, corrélative bien sûr de la montée d'influence du mouvement gay et lesbien. Pour caractériser cette ère de famille, il y a aussi la question de l'immigration, le traitement de la question de l'immigration. Là-dessus, Marcel Gaucher, plus ou moins prudent selon les moments. Il a quand même développé de temps en temps l'idée que l'immigration maghrébine ou africaine est beaucoup plus difficilement intégrable que les précédentes. Ce qui est un thème qui a souvent aussi été repris par Pierre Nora. Mais il ne s'attarde pas trop là-dessus, puis sa politique consiste toujours à donner des signes contradictoires. C'est un maître d'ambiguïté. En revanche, si l'on prend la politique éditoriale de la collection Le Débat, qui est publiée parallèlement à la revue, vous savez, c'est une petite collection de livres d'intervention. Et si on fait des statistiques, voir qui a été le plus publié, celui qui arrive en tête, avec 4 livres publiés donc, sous la direction de Marcel Gaucher, c'est un certain Hervé Juvin, dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais dont ce qu'on appelle la réacosphère sur Internet, en particulier le site français de souche, a fait une star dans certains milieux. Hervé Juvin, c'est celui qui a publié le plus de livres dans la collection de Marcel Gauchet, et c'est quelqu'un, surtout en plus depuis une date récente, c'est 4 livres qu'il a publiés, c'est depuis 2005. Et ça marque, je pense, un tournant aussi de la part du directeur de la collection. Des livres qui portent sur quoi? Alors voilà, j'y viens, évidemment. Ces livres, d'une manière ou d'une autre, déclinent les thèmes de Marcel Gauchet sur les effets absolument néfastes de l'hypertrophie des droits des individus. Le mot d'ordre de Juvin, c'est qu'il faut faire primer à nouveau les droits des peuples. Et la grande thèse de Juvin, qui en a fait une star sur le site français de souche, lequel relève beaucoup d'interviews, beaucoup de textes, sa grande idée, c'est, en fait, celle de Renaud Camus, c'est qu'il faut procéder à une purification ethnique. Un nettoyage ethnique, je ne sais pas comment on dit, on dit qu'il y a un grand remplacement auquel il faut s'opposer. C'est ce que dit Renaud Camus. La thèse de Juvin est exactement la même, mais alors elle est enrobée d'une manière toujours absolument admirable. C'est-à-dire qu'il insiste bien sur le fait que ce n'est pas un problème de race, hein, c'est un problème de culture. Et puis de toute façon, on ne peut pas en vouloir à ces gens, effectivement, d'être des délinquants, d'être des inadaptés, de polluer la vie sociale, parce qu'ils ont été transplantés depuis leur lieu d'origine trop brutalement. On ne peut pas leur en vouloir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas absolument régler ce problème. Voilà. Ça, c'est le discours de ce personnage que vous ne connaissez pas, mais là, on commence un peu à connaître Soral et toute une série d'autres personnages, mais dans nos milieux, on ne connaît pas ces gens-là. Ils sont très connus ailleurs. C'est l'auteur le plus publié, je me répète, dans la collection Le Débat, devant Bernard Lewis, l'historien de l'islam, 3 livres, et moins devant des gens comme Jean-Noël Lamy, Jarlet, un seul livre, ou Louvre. Et puis, donc, il y a une spécificité, je pense, qui a aussi motivé beaucoup de monde, du discours de Marcel Gauchet, c'est son ambiguïté structurelle et sa revendication à définir ce qu'est la seule gauche possible. Et c'est un point commun aussi, ça fait partie, dans une large mesure, de l'ère de famille dont on parlait tout à l'heure. Ces personnages, hein, qui s'adressent à des publics très différents, sur des modes très différents, même si à la fin les conclusions sont à peu près les mêmes, en général, disent à un moment ou à un autre qu'en fait ils sont toujours de gauche. Ils n'ont pas abandonné la gauche. Ils représentent la seule gauche politique, c'est quelque chose que même Éric Zemmour dit, et il n'est pas le seul, moi là. Beaucoup d'autres. Hein. C'est quelque chose qui revient très souvent. C'est Laurent Bouvet qui, lui, est au Parti Socialiste, hein, en tout cas, là, il était très longtemps. Et voilà, qui me semble-t-il, travaille encore avec le think tank du Parti Socialiste. Il y a toujours cette idée très forte et très importante qui est peut-être en définitive le seul problème. Qu'on tienne ce type de position politique, c'est mieux quand on a le courage de ses opinions et qu'on les dénonce clairement et pas de manière. Toujours ambigu ou envers difficulté, ou en faisant parler les autres à sa place. Mais ce n'est pas un problème, effectivement, non, c'est très mainstream. Le problème, c'est de rapporter effectivement toute gauche possible à cette position, et c'est absolument en phase, effectivement, au plan, avec la jonction, hein, au plan politique, me semble-t-il, de ce qui était censé être les deux partis alternatifs. Aujourd'hui, jonction sociologique, jonction en termes d'exercice du pouvoir. Voilà. Alors, il y a eu une très longue discussion sur la manière dont il fallait agir. Et j'en terminerai là-dessus, c'est peut-être là-dessus qu'il y aura le plus de remarques ou d'objections. Très longue discussion sur la manière dont il fallait agir. Est-ce qu'il fallait faire une déclaration, pétition? Est-ce qu'il fallait au contraire se contenter d'une tribune, comme beaucoup souhaitaient le faire? Une énième tribune qui en définitive n'aurait engagé que ceux qui la signaient, qui aurait été publié sans difficulté, mais qui se serait retrouvé finalement hein, dans ce flux de textes dont les médias mainstream raffolent, puisque tous les 15, 20 ou 30 textes qui vont toujours dans le même sens, on en publie un qui va en sens inverse, et ça permet de continuer à dire qu'on est pluraliste. Hein. Ça, c'est quelque chose que Bourdieu avait remarqué il y a bien longtemps. À mon sens, ce n'était pas satisfaisant. J'étais l'un de ceux qui voulaient absolument essayer de réunir des signatures, de développer un mouvement collectif de manière en définitive, à agir, puisque c'était déjà agir que de montrer qu'il n'y avait pas consensus. Si on réussissait, justement, à réunir suffisamment de signatures de collègues, d'enseignants-chercheurs, qui, finalement, étaient prêts à affirmer, non pas leur intention de boycotter, mais leur regret de voir les rendez-vous de l'histoire de Blois placés dans leur ensemble, sous cette égide. Alors, il me semble qu'on en est arrivé à quelque chose qui, avec un tout petit peu de recul maintenant, me paraît être assez satisfaisant. Je ne vois pas comment on aurait pu faire mieux, me semble-t-il. Enfin, ce qu'il aurait fallu faire autrement, mais vous allez peut-être me le dire. Vous aurez peut-être, c'est pas de l'autocritique. Non, en définitive, non. On a beaucoup, beaucoup pratiqué l'autocritique entre nous, on s'est beaucoup écharpé, en particulier sur le contenu du texte qu'on a diffusé, qu'on a fait signer. Certains voulaient être beaucoup plus modérés, hein, mais surtout beaucoup voulaient juste seulement publier une tribune qui laisse le temps de s'expliquer, hein, qui ne dise pas seulement il est ceci, ceci, cela. Et c'est pour ça que nous contestons ce choix pour l'inauguration, puisque c'était assonné, c'est ce qu'on a fait, hein, dans la déclaration, en définitive, qui a été publiée dans Libération. J'en rappelle le contenu quand même. Nous exprimons notre incompréhension devant le choix de confier cette année la conférence inaugurale des rendez-vous de l'histoire de Blois, une conférence donc qui est non débattue par définition, à un auteur qui est connu pour des thèses tournées avant tout vers le maintien de l'ordre, des thèses qui peuvent être jugées, et ça, cette formulation a fait beaucoup de débats, certains voulaient dire des thèses qui sont, d'autres ont voulu maintenir des thèses qui peuvent être jugées, certains, c'est très intéressant, hein, disaient que c'était du relativisme, dans ce cas-là, autant rien dire, d'autres voulaient être plus prudents. Des thèses qui, c'est le texte définitif, peuvent être jugées, ultra-conservatrices, sceptiques sur l'impératif de respect des droits de l'homme, familialistes, sexistes, et, c'est le dernier point qui a fait le plus de débats, qui a failli être retiré d'ailleurs, homophobes. Voilà, donc un texte qui martelait en définitive, qui assignait à Marcel Gauchet une position, se limiter donc à cette déclaration et la faire signer, ou bien faire un texte plus long, qui serait plus argumenté, et qui serait plus confortable, qui donnerait moins le sentiment aussi d'une attaque à nominem, hein, puisque c'est toujours effectivement désagréable de s'en prendre à une seule personne, plus une personne qui occupe abondamment l'espace médiatique. Alors, en définitive, ce qu'on a fait, c'est trois choses. Il y a eu un dispositif dont, me semble-t-il, on peut être assez content, je le répète, parce que je ne vois pas quelle était l'alternative, vous allez peut-être me le dire. Il y a eu, d'une part, cette déclaration, sauf à boycotter, comme ont fait nos amis La Galerie et Louis. Il y a eu cette déclaration qui a rencontré un grand succès. Un grand succès. Ouais. 230 signatures dans un milieu qui est vraiment habité par la peur. Dans un milieu dont on sait que, évidemment, il est exposé aux effets de réseau. Hein. Si on veut trouver un poste, si on veut faire carrière, si on veut passer de maître de conf au statut de professeur, si on veut rentrer à l'EHESS, plutôt que de continuer à faire duel, souvent très loin de chez soi, de façon à développer un peu plus les recherches pour lesquelles, en général, on a choisi de faire ce métier. Enfin bon, c'était vraiment pas du tout évident d'avoir beaucoup de gens qui se risquent comme ça à s'engager. Il faudrait analyser précisément la liste des signataires, leur provenance. On voit bien, par exemple, qu'il y a beaucoup d'histoires de la Révolution française, et ça, c'est très significatif. Des gens qui ont vu là l'occasion de relever la tête face à l'emprise du furétisme, hein, en gros. Mais bon, il y a plein de choses à réaliser. Tout est dit qu'on a plus d'une centaine, plus de 150 même, enseignants-chercheurs qui signent. Je suis désolé, mais c'est un énorme succès, vu les risques que cela implique. C'est 1068. Comment ? C'est 1068. Je dirais pas jusque-là, mais c'est quand même une situation à laquelle, franchement, je ne m'attendais pas. Je pensais que ça resterait beaucoup plus marginal. Par ailleurs, on fait ce texte dans Le Monde, qui est explicatif, qui abonde en citations, ce texte précis, avec des pages. Alors, on nous aura accusé, évidemment, d'avoir sorti ces citations de leur contexte. C'est une défense classique, et on le fait toujours en notre absence, hein, ce qui évidemment nous empêche de prendre le texte et de montrer qu'elles ne sont absolument pas et en rien sorties de leur contexte. Par ailleurs, on a assorti le texte court signé par 230 personnes et le texte signé par 8 historiens dans Le Monde, de deux textes beaucoup plus longs, comme je le rappelais, qui abordent deux aspects de la question, et surtout, j'en termine là-dessus, l'ensemble a donné lieu à une réunion à Blois, que l'on a pris sur nous d'appeler le off de Blois, qui s'est passée dans la banlieue de Blois, et qui a permis, en définitive, à ceux qui avaient envie de développer un discours critique et politique, non seulement sur les choix de cette année-là pour l'inauguration, mais sur le dispositif de Blois, justement, que mettait en cause, à juste titre, dans une certaine mesure, à mon avis, la guerre d'Ukraine, ont pu se retrouver, l'idée étant d'essayer de perpétuer, bien au-delà de cette affaire précise, l'existence d'un alter-lieu, comme cela, lors des rendez-vous de Blois. D'un alter-Blois.